Peux-tu nous expliquer ce qui est dangereux dans le support mental? S'il est mal intégré, si c'est mal intégré, l'instruction, la personne, elle peut se mettre à vouloir faire la guerre à l'astral. L'astral, ça se défend. C'est fort. Ça va servir de gens astralisés autour de vous pour vous contre-attaquer. Ça, le phénomène, je l'ai vu souvent. C'est pour ça qu'à un moment donné, je disais au monde, j'ai dit, si vous intéressez à la conscience, puis là, je parlais spécifiquement à ce genre d'instruction-là, je disais, vous êtes dans la merde. Vous êtes sérieusement dans la merde. Parce que, en plus, ça va vouloir tester ce qui est intégré. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il y a des structures qui se densifient, ça va. Il y a quelque chose qui va vouloir vérifier si c'est solide. Puis là, finalement, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de l'expérimental, il commence. Puis c'est vraiment une pratique, c'est pas de la théorie. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à la théorie, tôt ou tard, vous allez être confronté à de la pratique. C'est là que la plupart, ils se pètent la gueule. Puis pas à peu près. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens il y en a, ils deviennent fous. Il y en a qui deviennent suicidaires. Il y en a quand c'est vraiment, il y a un tri inhumain. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment horrible aussi à constater. Mais ça a l'air que c'est comme ça. Donc, bon, que vous voulez que. Ça, c'est par expérience que je le dis. Ben, s'il y en a que l'instruction leur fait pas, mais vraiment pas, c'est intégré tout croche, c'est psychologisé. Puis ils se mettent dans la merde, mais vraiment, là, incroyable. Puis ils le voient pas. Ils le voient pas. Ils vont vers un mur. Puis ils le voient pas. C'est pour ça que c'est un milieu qui est quand même assez changeant. On voit du monde arriver puis repartir. On n'a plus jamais de nouvelles. On ne sait pas ce qui est arrivé. C'est pas grave. Il y en a d'autres. Ceux qui restent, il y en a beaucoup qui sont astralisés aussi, qui restent dans ce milieu-là. C'est du monde qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego qui passe à travers. Ils ont beaucoup de stock à brûler. Donc, c'est étrange, mais des fois, c'est les pires qui sont les plus intéressants. Comme Daniel Nord. Ça avait l'air d'être un gros caractère. Moses, j'ai entendu des affaires. Je ne m'attendais pas à ce que c'était quelqu'un, une personnalité rough de même, était dur en affaires. Mais bon, même Bernard, il a fait des crises à du monde. Le monde, il shakait comme des feuilles. C'est un petit monsieur là, de 5 pieds 3, là. Donc, bon. Va falloir vous servir du négatif. Dans le sens que même vos défauts peuvent devenir des qualités. Elle a la transmutation, la capacité de conversion. Puis là, l'intégration, l'apprentissage, il y en a un. Si on peut dire. Bon,